Bonjour. Petit cours de novlangue. Connaissez-vous la novlangue? Il s'agit d'une langue inventée par George Orwell dans le roman 1984 qui, bizarrement, n'a jamais été adapté au cinéma en tant que super production alors que le roman l'aurait largement mérité. Tout juste un téléfilm très mauvais et mal joué, mais c'est une opinion toute personnelle. Un sujet sur le forum abordait déjà ce sujet mais de manière si succincte qu'un rappel plus complet est utile. Par extension, on peut dire que ce langage est très utilisé par les politiciens en général qui peuvent ainsi nous raconter n'importe quoi tout en nous faisant croire que ce qu'ils disent est très intéressant, ou pas, et qui permet également de nous dire quelque chose tout en signifiant réellement le contraire, cela sans être explicite, ça va, pas trop dur à suivre. Le sujet du jour donc, la novlangue dont voici la définition exacte, dans le roman de George Orwell, 1984, Sim, un collègue de Winston, en charge du dictionnaire novlangue, explique le but du novlangue. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Ce petit dictionnaire publié par Polonia comprend plus de 250 mots parmi les plus employés aujourd'hui par l'élite dirigeante et notamment les médias. Il comprend 5 types de mots, les mots trompeurs, qui ont changé de sens et qui signifient souvent le contraire de ce qu'ils exprimaient auparavant, les mots subliminaux, qui sont utilisés pour produire certains effets de répulsion ou d'approbation chez le récepteur, les mots marqueurs, qui expriment l'idéologie dominante, les mots tabous, que l'idéologie dominante s'efforce de supprimer, les mots sidérants, qui visent à disqualifier les adversaires du système. Quand cela est apparu nécessaire, une traduction en français courant a été proposée, elle est signalée par la mention « tra » pour traduction, suivie de la traduction proposée. Maintenant je vous propose un petit dictionnaire de novlangue et vous allez découvrir que cette technique est beaucoup utilisée par nos politiciens. A. Africain, homme pauvre, en général de couleur plus ou moins noire, qui vit principalement en Afrique et qui deviendra européen grâce à l'éducation et à la démocratie de marché, selon l'idéologie dominante. Un Africain immigrant en Europe devient naturellement un Européen auquel il est par nature égal, sinon supérieur. Ali, mot trompeur, terme ayant changé de sens. Il ne signifie pas une alliance entre partenaires égaux mais une relation de dépendance, tra, satellite, tributaire. La France est l'allié des États-Unis, tra. Le gouvernement est subordonné aux États-Unis. Ambition, mot subliminal employé dans les médias pour décrire et valoriser les déclarations d'intention du président de la République, du gouvernement ou d'un ministre, tra, promesse, discours. Amour, mot très employé dans les chansons, love, est censé tout résoudre, tra, niaiserie. Voir aussi dialogue. Anglais, langue des dominants. Note, il est de bon ton de ponctuer son discours d'anglicisme voire d'expression purement anglaise, tra, jargon, antisémite. Mot trompeur ayant changé de sens, aujourd'hui peut désigner toute personne critiquant une personne de religion ou d'origine juive, l'État d'Israël, selon les tribunaux, ou bien toute personne désignant l'identité juive d'une autre. Archaïsme, mot péjoratif utilisé par l'élite dirigeante pour désigner l'identité nationale, s'écrivant en général au pluriel, tra, tradition, art moderne, art contemporain, mot trompeur, théorie artistique inventée pour l'essentiel à la fin du 19e et au début du 20e siècle et qui n'a donc rien de vraiment moderne ni contemporain, tra, académisme, art officiel, attaquer, s, à expression subliminale destinée à suggérer une martiale résolution, en général on s'attaque à des réformes, tra, envisager, autre, voir respect b, banlieue, banlieue sensible, mot trompeur, zone où la population d'origine immigrée africaine est majoritaire, tra, zone de résidence d'immigrants, voire aussi populaire. Bataille, mot subliminal destiné à valoriser l'action pourtant souvent sans risque du personnel politique. Exemple, Royal se lance dans la bataille des élections. Point virgule, on dit aussi à l'assaut se battre pour, tra, métier, beurre, Beurre est au féminin, mot traduisant la réalité de la non-intégration des immigrés d'origine maghrébine qui se désignent d'abord par leur ethnie et non par leur nationalité d'origine, nord-africaine, nord-africain, bouc émissaire. Concept sidérant par lequel l'élite dirigeante s'efforce de masquer l'identité des personnes qui commettent le plus souvent des crimes et des délits, à la condition bien sûr que celles-ci ne soient pas d'origine européenne et de religion catholique. Lorsqu'un délit est commis par ces personnes, l'élite dirigeante s'empresse d'affirmer qu'il ne faut pas traiter telle ou telle catégorie de la population en bouc émissaire, voire aussi stigmatisée. Bouger, confier faire bouger, terme par lequel l'élite dirigeante valorise le bougisme, c'est-à-dire tout ce qui peut ébranler la société traditionnelle et ses normes, perturber, voire aussi changement et rupture et bousculer. Bousculer. L'élite dirigeante aime à dire qu'elle bouscule les tabous, il s'agit bien évidemment de ceux des autres car pour les siens, présentés alors comme des valeurs, elle se veut intraitable, détruire. Black. Mot utilisé à la place de noir par référence aux noirs américains, qui s'intitule eux, des afro-américains, noir. On ne connaît pas le féminin de cette expression. Bras de fer, CF Sécurité, Sarkozy engage un bras de fer avec la gauche, titre du Figaro du 25 février 2008, terme subliminal destiné à faire croire à la détermination et à l'effort de ceux qui sont censés s'y livrer, débat, branché. Mot ayant changé de sens, signifiant initialement pendu aux branches, il signifie aujourd'hui conforme à l'idéologie cosmopolite et marchande des grands utilisateurs des nouvelles technologies, voire aussi câblé, conformiste. Virgule C, calme, mot trompeur, se dit d'un réveillon où l'on incendie que 878 véhicules, violent, caritatif. Mot trompeur, adjectif donné à la charité, qui ne se préoccupe pas au sens propre du prochain s'il est européen mais des autres à la condition qu'il réside loin de notre continent, indifférent, changement, mot trompeur car initialement connoté à gauche, confère changement de société, et aujourd'hui repris par l'élite dirigeante pour signifier son intention de mettre fin à l'identité française, voire rupture et bouger, chantier, si possible grand. Terme destiné à valoriser l'action du gouvernement en place mais exprimant souvent la réalité, il traduit en effet d'annoncer en général des actions inabouties, égales à laisser en chantier, exemple. Le Premier ministre ouvre le chantier de la réforme des retraites, inachèvement, charge, expression subliminale, utilisée dans son sens militaire, pour suggérer que le personnel politique fait preuve de détermination, exemple, à la charge, sonne la charge contre, prononcé chat, s'utilise lorsqu'un responsable entend dialoguer avec la France d'en bas via internet, conversation, dialogue en ligne, choix, c'est mon choix. Manifestation d'hédonisme encouragée par le système car ce choix ne s'exerce jamais en faveur d'actions à caractère collectif, voire aussi liberté, caprice, citoyen, mot trompeur, ce substantif, devenu adjectif, caractérise ce qui se conforme à l'idéologie dominante, exemple, trier ses déchets est un comportement citoyen, moutonnier, docile, sujet, client, se disait autrefois d'une personne redevable à un personnage puissant, aujourd'hui, personne censée être en position de force au sein du marché, le client est roi point virgule. Ce terme est de plus en plus employé dans la sphère publique et traduit la progression de l'idéologie marchande dans la fonction publique. Cochon, soupeau, menace contre l'ordre public et discriminatoire quand elle est destinée aux pauvres, pour certains préfets, rapport, note. Pour éviter toute difficulté avec certains passagers, les compagnies aériennes sont de plus en plus nombreuses à offrir des repas garantis sans port. Colonialisme. Mot sidérant qualifiant un système injuste, contraire aux trois mots fondateurs de notre République, N. Sarkozy le 3 décembre 2007, et cause de tous les échecs et malheurs des ex-pays coloniaux, principalement en Afrique. crime lorsque le colon est européen uniquement, tra, colonisation, civilisation. Note, affirmer que l'Europe serait en voie de colonisation est passible de poursuites judiciaires. Communautarisme, néologisme destiné à traduire le fait que les populations d'origine immigrée conservent leurs particularités et leurs préférences culturelles ou ethniques, à contre. Courant de l'idéologie antiraciste qui prétend ne voir que des individus égaux et interchangeables. Le communautarisme est donc périodiquement décrié par l'élite dirigeante tout en étant par la force des choses, c'est-à-dire par la dynamique démographique de l'immigration, reconnue. Voir racisme et intégration, tra, identité, communication. Activité principale des hommes politiques qui se mettent d'autant plus en scène qu'ils ont moins de prise sur la réalité, tra, spectacle, voire aussi pédagogie compréhension. Mot trompeur, la compréhension est requise des usagers lorsqu'un service, en général public, dysfonctionne, ce qui permet de le dispenser de présenter des excuses, tra, résignation, concertation. Mot un peu moins à la mode que dans les années 1970, remplacé par dialogue, qui se veut plus participatif, tra, pour parler, condamner, en général associé à fermement, se dit quand le pouvoir est impuissant à empêcher certains agissements, il les condamne a posteriori d'autant plus fermement qu'il reste sur le mode virtuel, tra, incantation, construction européenne, mot trompeur. C'est la mise en œuvre de l'idéologie libre-échangiste et cosmopolite par les institutions européennes au sein de l'espace indéterminé appelé Union européenne contre la volonté de peuples autochtones, tra, enterrement de l'Europe. Courage, mot trompeur, on dit qu'un homme politique dit de droite en fait preuve lorsqu'il se rallie bruyamment encore plus à l'idéologie dominante, en général sur les questions de société, alors qu'il ne retire que des avantages de cette posture. Conversion. Crime, mot tabou, sa nature et sa gravité varient, en application de la législation dite antiraciste, en fonction de l'identité de l'auteur et de la victime, ainsi un crime raciste est nécessairement commis par un Français de souche. Un immigré ou un Français d'origine immigrée ne provoque que des drames ou ne commet que des violences, tra, crime, voire déséquilibré. Culture, mot trompeur. Activité subventionnée par les collectivités publiques et incomprise par la majorité des Français quand elle relève de l'art cosmopolite déraciné, tra, ahurissement, de favoriser. Mot trompeur, issu de l'immigration, confère quartier défavorisé, bénéficiant en général d'aides et de prestations publiques préférentielles dans le cadre de la politique de la ville, tra, étranger, subventionné. Défense. Terme recouvrant les activités qui visent officiellement en Europe à ne pas faire la guerre. Degenérer. Mot subliminal employé de préférence lorsque des violences sont commises par des personnes issues de l'immigration ou de religion musulmane, pour suggérer que finalement telle n'était pas leur intention initiale et donc presque les excuser. Ex-conflit pour le contrôle d'une mosquée de Nîmes dégénère en fusillade, Le Monde du 21 février 2008. Détermination. Mot subliminal destiné à suggérer le volontarisme présumé du gouvernement ou du président de la République, voire volonté point virgule en général consistant en déclarations non suivies d'effets concrets, tra, intention, parole, dérapage. Mot sidérant, caractérise des propos qui vont à l'encontre de l'idéologie dominante, voire aussi polémique de régulation. Mot désormais connoté positivement au sein de l'Union européenne et destiné à traduire le fait que le domaine du marché ne cesse de s'étendre aux dépens de la souveraineté politique, tra, chaos, voire aussi ordre, déséquilibre. Qualificatif lénifiant employé lorsqu'un crime est commis par une personne d'origine immigrée, pour l'élite dirigeante et antiraciste par construction un criminel d'origine immigrée ne peut être dans son état normal. Voire aussi crime et trouble développement durable. Mesures coercitives préconisées par les gouvernements occidentaux au nom de la préservation de la planète, tra, prohibition, dialogue. Mot trompeur signifiant en général l'acceptation des arguments d'autrui, ex, dialogue interreligieux, et non la confrontation des points de vue, tra, affaiblissement. Voire aussi concertation, discrimination positive. Mot trompeur, discrimination à l'encontre des Français d'origine européenne, tra, privilège, domination. Note de la rédaction, les discriminations sont toutes réputées inacceptables sauf la discrimination par l'argent, qui est hautement morale pour le système. Diversite, favoriser la mot trompeur, c'est favoriser le recrutement ou la présence de personnes issues de l'immigration ou de celles qui ont des parents immigrés, tra, système des castes, douce, se conjuguant en général au pluriel, exemple, circulation douce, énergie douce, mot destiné à valoriser des processus qui sont réputés peu consommateurs d'énergie fossile mais qui sont de moindre rendement et qui exigent en général une plus grande dépense d'énergie humaine, tra, rétrograde, voire aussi propre, qui se dit plutôt au singulier, droit de l'homme, expression trompeuse, doctrine au nom de laquelle il est porté atteinte aujourd'hui à la souveraineté des peuples et aux droits des citoyens, tra, idéologie, à l'encontre de la tradition républicaine, droits sociaux, droits créances revendiqués par certains groupes à l'encontre des autres, tra, privilèges, droite, gauche, termes trompeurs ayant perdu toute pertinence à la fin du XXe siècle depuis que la gauche socialiste et communiste s'est ralliée à l'économie de marché et que la droite a adopté l'idéologie égalitaire et cosmopolite des socialistes, ne désigne plus que des itinéraires personnels et des ancrages locaux différents, tra, parti au pouvoir, durable, qualificatif destiné à vanter la qualité d'un produit ou d'une action censée préserver la liberté de choix des générations futures auxquelles on ne donne pas naissance, tra, soutenable, voire développement durable, échauffouré, se dit des violences commises, en général en groupe, par des personnes issues de l'immigration à l'encontre des forces de police, exemple échauffouré entre jeunes et policiers attrape, note. On dit aussi affrontement, tra, agression, effort, exemple, le gouvernement promet de ne pas relâcher l'effort sur les réformes, mot trompeur, présentation valorisante de l'action du pouvoir alors que souvent les efforts sont en réalité réclamés des citoyens ou des usagers, tra, sacrifice, égalite. Mot trompeur, ayant changé de sens à la fin du XXe siècle, il ne désigne plus l'égalité juridique des personnes ni l'égalité des revenus mais celle des statuts sociaux et des ethnies réduite à une question de parité statistique, qui menace moins l'élite au pouvoir que la remise en cause du pouvoir économique, tra, égalisation, emblématique, mot très employé par l'élite dirigeante pour donner du relief à une action ou une déclaration qui n'en a pas forcément, tra, notable, émeute, mot en général écrit au pluriel et associé à la nuit, exemple, nuit d'émeute à Villiers-le-Bel, la nuit ne permet pas de distinguer la couleur des émeutiers, ce qui fait qu'en général les médias montrent surtout des émeutiers blancs, tra, insurrection, ennemi, mot tabou pour l'élite dirigeante qui prétend avoir mis fin aux guerres car elle a détruit les frontières, seul le terrorisme et d'une façon générale tous les ismes sont désignés à la vindicte du système entreprise. Pour aujourd'hui valoriser, exemple, les créateurs de richesses, les principales préoccupations affichées des pouvoirs publics, tra, patronat, équitable, confère commerce équitable, mot sidérant destiné à inciter les consommateurs européens à acheter des produits censés favoriser les petits commerçants et producteurs d'Amérique du Sud et d'Afrique. À noter que pour l'élite dirigeante il est inéquitable de préconiser d'acheter français, tra plus cher, espace, CF espace culturel ou espace de vie, zone en général effectivement peu fréquentée par les Français d'en bas dès lors que les artistes prétendent y faire de l'art ou de la culture, tra, zone, establishment, mot tabou, sauf par la droite nationale, pour désigner la nouvelle classe au pouvoir dans les sociétés occidentales depuis la chute de l'Union soviétique, tra, caste dirigeante, état de droit, mot trompeur, soumission de la volonté nationale à la sanction des juges, si possible européens, tra, théocratie, éthique, mot trompeur, c'est par ce terme que l'élite dirigeante désigne son idéologie et ses intérêts, tra, inquisition, voire aussi valeur, ethnique, publicité ethnique, publicité et commerce s'adressant prioritairement aux personnes issues de l'immigration ou aux personnes de couleur, tra, discriminatoire, étranger, mot sidérant, par définition personnes supérieures en droit et en talent par rapport aux autochtones en particulier dès lors que ceux-ci sont français, voire aussi autres et exception, cf exception française, exception culturelle, singularité de la nation française par rapport au monde anglo-saxon, qui semble en général illégitime aux yeux de l'élite au pouvoir, identité nationale, exclusif. Terme destiné à marquer qu'une information revêt une importance particulière pour la classe médiatique. Exemple, entretien exclusif, point virgule. Mais en général, elle n'a rien d'exclusif car elle est destinée à être reprise par tous les médias. Signaler, exclusion, mot sidérant destiné à disqualifier les préférences des Français d'origine européenne et de religion chrétienne. La référence aux phobies remplit la même fonction sidérante. Préférence, extrême droite, mot sidérant, qualificatif péjoratif donné à la droite de conviction et à ceux qui contestent le système dominant, droite, extrême gauche, groupe politique déclarant s'opposer au capitalisme, mais vers 40 ans les personnes d'extrême gauche s'y rallient habituellement, imposteur, fascisme, mot sidérant, forme politique d'autant plus vigoureusement combattue par l'élite dirigeante qu'elle a disparu de la scène politique européenne en 1945. Fasciste désigne aujourd'hui toute personne qui n'adhère pas à l'idéologie dominante ou toute autorité qui ne découle pas du système marchand, dissident et autorité, femme, personnes qui doivent exercer les mêmes métiers que les hommes, exemple, les téléfilms mettant en scène la femme gendarme, la femme juge ou la femme flic, et éviter les maternités si elles sont d'origine européenne, garçonne. Note, il est de bon ton devant une assemblée quelle qu'elle soit de relever le faible nombre relatif de femmes présentes. Flambé, expression subliminale en général associée à violence. Exemple, flambée de violence au Kenya. Elle traduit le fait que les violences urbaines s'accompagnent souvent d'incendies et qu'elles sont brusques et imprévisibles alors qu'elles sont souvent habituelles. Fonds de commerce. Mot sidérant, expression péjorative pour désigner les prises de position des partis qualifiés de populistes ou xénophobes. Programme. France. Mot trompeur, dans les médias, désigne en fait le gouvernement. Exemple, la France réclame un moratoire sur les OGM. Le gouvernement. Frilosité. Terme sidérant et péjoratif appliqué aux comportements qui ne sont pas conformes aux attentes de l'élite dirigeante et de préférence aux seuls Français de souche. Voir peur. Résistance. Froncir. Mot tabou. Principal obstacle à la prospérité et à l'entente entre les peuples selon l'idéologie dominante. Il faut donc préconiser un monde sans frontières. Note, les bonnes frontières doivent être ouvertes sauf bien sûr aux États-Unis et en Israël. Protection, galère, se dit de toute difficulté, même la plus petite. Contrariété, gauche, voire droite, gauchiste. Personne faisant profession de lutter contre le capitalisme mais dont l'action concrète consiste principalement à saper ceux qui résistent encore à sa domination, leur compagnon de route du capitalisme, voire aussi extrême gauche. Mot sidérant, il se dit d'une entreprise russe uniquement, exemple, le géant gazier Gazprom, et jamais d'une entreprise américaine, sans doute pour suggérer une menace latente. Génial. Adjectif passe-partout mais qui ne désigne pas en général des choses ou des personnes qui sortent de l'ordinaire. Bien. Globalisation. Mot d'origine américaine pour dire domination du système anglo-saxon. Capitalisme. Gouvernance. Mot qui désigne un mode de direction imposé par les marchés aux entreprises, aux organisations et aux États. Direction, voire transparence. Grande-Bretagne. Paradis libéral et référence obligée en termes de réforme de l'État pour les anglophiles français du 21e siècle. Grave. Interjection ponctuant le langage des banlieues, en général ne signale rien de véritablement grave. gratuit. Mot trompeur destiné à appâter le consommateur potentiel. En général, il faut acheter plus pour obtenir quelque chose de gratuit, voire solde. Note. Journal gratuit. La gratuité de ce journal a pour contrepartie sa soumission à l'idéologie dominante et à la publicité. Grenelle. Terme remontant à 1936 et désignant d'abord la médiatisation d'accords nationaux entre partenaires sociaux au ministère du Travail. Désigne aujourd'hui par extension l'action des pouvoirs publics médiatisés. Exemple, Grenelle de l'environnement, TRA, mise en scène, grand-messe. Guillemets. Il s'emploie dans la presse écrite non pour exprimer une citation fidèle mais pour essayer de disqualifier les propos ou les positions citées. Exemple, la Serbie refuse l'indépendance du Kosovo. Le Liechtenstein dénonce une attaque de l'Allemagne. Le Monde du 21 février 2008. Les Russes choisissent dimanche le successeur de M. Vladimir Poutine. Le bulletin quotidien du 29 février 2008. À la radio ou à la télévision, le présentateur dira, je cite, « dans le même sens, H, handicapé ». Mot sidérant qui se conjugue en général au pluriel, groupes organisés prétendant parler au nom des personnes et réclamant avec de plus en plus d'insistance des droits sur la société. Histoire, sans histoire. Mot trompeur, précision systématiquement apportée par les médias lorsqu'un crime ou un délit a été commis par une personne issue de l'immigration. Elle est toujours issue d'un quartier ou d'une famille sans histoire, comme pour suggérer que son comportement serait tout à fait exceptionnel et donc presque excusable. Contraire, bien connu des services de police. Note, le recours à incompréhensible, exemple, un geste incompréhensible, remplit la même fonction lénifiante. Voir aussi déséquilibré. Humanisme. Terme trompeur ayant changé de sens, il n'a plus de rapport avec la culture enracinée des humanités mais désigne l'idéologie des droits de l'homme ou l'idéologie de la franc-maçonnerie, TRA, idéologie humanitaire. Activité principale des forces armées des pays de l'Union européenne au-delà de leurs frontières, désastre humanitaire, médiatisation des malheurs de certaines populations africaines ou d'Asie, action humanitaire, médiatisation de la tentative d'imposer les valeurs occidentales à des populations plus ou moins rétives, on dit aussi faire de l'humanitaire car il s'agit souvent pour certains d'un véritable métier, identité, terme tabou sauf lors des discours électoraux. Pour l'élite dirigeante, l'identité de la France réside cependant dans ses valeurs uniquement, TRA, nature. Note, la manifestation de l'identité des autres s'appelle communautarisme. Immigration. L'immigration est une chance pour la France sauf lorsqu'elle provient de l'Est de l'Europe, TRA, peuplement. Inacceptable. Adverbe trompeur, se dit en général des situations que le système est incapable de maîtriser, ex les violences sont inacceptables, TRA, tolérées, appliquées à des propos que le système médiatique considère comme à caractère raciste ou antisémite. Ce qualificatif signifie que leur auteur fera prochainement l'objet de poursuites pénales. Incivilité, mot trompeur, actes réprimés par la loi sauf lorsqu'ils sont commis par des personnes issues de l'immigration africaine et maghrébine, TRA, violence, délit, incompréhensible, voire histoires incontournables. Mot sidérant, il traduit la volonté d'enfermer la réflexion et la décision dans les seules alternatives autorisées par le système, TRA, obligatoire, indépendance. Terme tabou désormais interdit aux Européens et politiquement incorrect au sein de l'Union Européenne, qui préfère le concept d'autonomie stratégique, TRA, souveraineté, liberté, inéluctable. Terme sidérant exprimant la croyance que celui qui l'utilise connaît le sens de l'histoire et destiné à désarmer toute opposition, TRA, possible, souhaité, information. Terme trompeur véhiculé par la classe médiatique pour faire croire à son rôle de défense des libertés alors que sa fonction réelle est de tuer tout débat, TRA, fabrication, ingérence. Terme connoté positivement désormais dès lors que cette ingérence prétend se faire au nom de l'humanitaire ou du maintien de la paix, TRA, violation, inquiétude, parfois associée à vive. Mot politiquement correct employé quand on veut minorer l'ampleur des atteintes ou des menaces pesant sur les personnes ou les intérêts européens ou catholiques. Exemple, les inquiétudes de la communauté catholique d'Algérie. Le Monde du 26 février 2008. Note. La référence au sentiment remplit la même fonction lénifiante. Exemple, le sentiment d'insécurité pour éviter d'écrire délinquance, insertion, voire intégration, intégration, mot trompeur, politique destinée à favoriser l'installation de communautés immigrées en France dans le respect contradictoire de leur identité propre et de celui des valeurs de la République, après l'échec des politiques d'assimilation. Dans le discours dominant, elle n'est jamais suffisante et il faut toujours appeler les Français, jamais les étrangers à plus d'efforts en la matière, ras, éclatement, intolérance. Terme sidérant employé de façon péjorative pour toute manifestation identitaire sans distinction dès lors qu'elle émane des Français de souche. Islam, religion de paix, de tolérance et d'ouverture à l'autre, prétendre le contraire expose à des poursuites judiciaires ou à des fatwas. Islamisme, comportement des musulmans qui ne correspond pas à la définition politiquement correcte de l'islam, tra, islam, j, jardin. Quand il est à la française, le terme est désormais à connotation péjorative pour l'élite dirigeante. Note, pour elle le jardin anglais, c'est mieux. Jeune, jeune majeur, mot trompeur, personne de nationalité française ou non, issue de l'immigration africaine et aux maghrébines, s'emploie en général quand elles commettent des violences en groupe, tra, d'origine immigrée, voire aussi jeune homme et préadolescent, journal, voire gratuit, juif, mot tabou, rarement employé sauf si le locuteur se déclare juif lui-même, s'emploie avec un qualificatif positif exclusivement, exemple, les enfants juifs, point virgule, voire antisémites, cas, kamikaze, mot trompeur car utilisé à contre-sens, désigne aujourd'hui les auteurs surarmés d'attentats suicides contre des civils sans défense, alors que le kamikaze était un militaire qui en temps de guerre attaquait des cibles militaires extrêmement bien défendues, tra, attentat suicide, elle, laïcité, mot trompeur ayant changé de sens à la fin du XXe siècle, à l'origine, séparation de l'Église et de l'État, aujourd'hui, soutien apporté par les collectivités publiques à l'exercice des religions autres que chrétiennes, laïcité positive, tra, soutien à l'islam, leader, mot subliminal employé uniquement pour désigner les présidents et responsables nationaux des partis populistes et d'extrême droite, par référence subliminale à Führer, sans doute, tra, président, liberation, liberté. Mot trompeur, définition de la liberté réduite à la seule expression des pulsions individuelles et principalement entendue comme la remise en cause des normes comportementales admises dans les sociétés européennes. Terme employé pour marginaliser la définition de la liberté entendue comme participation à la vie publique et maîtrise de son destin. Note, ce terme convient par conséquent parfaitement aux individus consommateurs sujets du système, tra, des règlements, M, majorite, exemple, les partis de la majorité, mot trompeur destiné à suggérer que les partis au pouvoir rassemblent la majorité des Français, tra les partis de la majorité représentés au Parlement, marché, mot sidérant, mode régulation de l'économie considéré comme intrinsèquement supérieur à tout autre dans tous les domaines, censé avoir triomphé de tous les autres modes de régulation, s'écrit en général au pluriel pour faire plus rassurant, tra, gouvernement des choses, malin, adjectif trompeur désignant les consommateurs qui croient avoir fait de bonnes affaires alors qu'ils sont en réalité instrumentalisés par la publicité, tra, naïf, méchant, note, il est intéressant de remarquer qui incarne aujourd'hui le méchant au cinéma ou dans les téléfilms, le méchant est en général un blanc, si possible ressous serbe, ou à la rigueur un chinois, un militaire, spécialement s'il est européen, ou un prêtre, s'il est catholique, le blanc est violent, raciste, homophobe et souvent borné, le méchant est aussi incarné par le terroriste originaire du Moyen-Orient, voire aussi stéréotype mémoire, mot sidérant, culpabilisation du passé national et dénigrement de l'identité française et européenne, tra, dénigrement, métissage, mot sidérant présenté comme l'avenir de l'humanité et destiné en réalité à valoriser l'immigration de peuplement en Europe. Par extension, qualité valorisée par l'élite dirigeante. Exemple, musique métisse point virgule. Voir aussi mêlée des cultures expressions que le système a tenté de promouvoir à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby Michu, CF Madame Michu, terme méprisant désignant dans le discours de l'élite dirigeante la française de base, lectrice de la presse People et foncièrement bornée, tra, les électeurs. Note, cette expression curieusement ne dérange pas du tout les féministes. Minorité, terme trompeur s'employant de préférence au pluriel et désignant les groupes qui cherchent à imposer leur préférence à la majorité, tra, faction, minorité visible, personne de couleur ou issue de l'immigration africaine. Note, l'utilisation du mot minorité vise à faire oublier que dans certains lieux ces minorités sont en fait majoritaires. Mobilisation, confère Borloo mobilise la planète. Mot trompeur emprunté à la chose militaire pour donner une image résolue à des politiques qui le sont en général moins, voire aussi se mobiliser, tra, gesticulation. Mot désignant aussi les initiatives prises par les organisations de gauche et d'extrême gauche, exemple, mobilisation en faveur des sans-papiers, modernisation. Mot trompeur, action conduite par le gouvernement pour faire évoluer la société et les institutions françaises conformément au modèle marchand anglo-saxon et en général en allant à l'encontre de la volonté nationale, tra, mise au pas, voire aussi changement, réforme, mondiale, terme marqueur du discours cosmopolite, voire aussi planète, tra, internationale, mondialisation. Terme confus destiné à remplacer capitalisme mondial qui faisait vieux jeu mais qui désigne la même chose, tra, capitalisme, mort, mot tabou sauf si elle est spectaculaire, CF une mort tragique, mosaïque, mot marqueur du discours cosmopolite et destiné à valoriser le métissage culturel ou autre, tra, cacophonie, mouvements sociaux, action de ceux qui, en s'arrêtant de travailler pour obtenir des avantages sociaux ou professionnels, obligent les autres à se déplacer à pied ou à voiture, tra, grève, musée, très à la mode et donne une bonne idée de la façon dont le système conçoit la culture européenne, comme un objet mort mis en exposition, tra, morgue, musique, mot trompeur, bruit habituellement fortement rythmé associé à des paroles de sonorité anglaise, qui envahit l'espace privé et public et qui est destiné à empêcher les personnes de penser en silence et à les déculturer, tra, brouillage, virgule n, nation, mot tabou, construction réputée arbitraire, à la source de tous les maux de l'Europe et constituant un obstacle à l'efficacité totale du marché selon l'idéologie dominante, voire frontière, nationalité. Formalité pour le moment encore nécessaire au sein de l'Union européenne à l'exercice de certains droits ou à l'accès à certaines professions. Depuis la loi Pleven de 1972, la préférence nationale est jugée discriminatoire. Tra, avantage, papier, point, nauséabond, mot sidérant en général associé à des propos critiques relatifs à des personnes issues de l'immigration ou d'origine juive ou bien concernant l'État d'Israël, voire aussi, relent nauséabond, nazi, incarnation moderne de Satan, en particulier sous sa forme néo-nazie, sous sa forme groupusculaire le néo-nazi est très utile au système pour renforcer la législation liberticide négationnisme. Mot sidérant pour révisionnisme. Note, l'élite au pouvoir qui pratique un révisionnisme permanent et culpabilisant à l'égard de l'histoire nationale engage pourtant une lutte résolue contre les révisionnistes. Nègre, mot tabou sauf sous la plume d'un écrivain africain ou antillais. Noir, mot tabou sauf si le locuteur est noir lui-même, personne pauvre et ayant été discriminée par les blancs, on se doit de déplorer de ne pas en voir assez à la télévision. Dans les téléfilms les noirs incarnent en général les bons, les médecins et les policiers, tra, noir. Note, les races n'existent pas, mais certains noirs se définissent comme tels et réclament la reconnaissance de leur communauté avec la création du CRAN, Conseil représentatif des associations noires, nomades. Qualificatif valorisant associé au comportement d'essence cosmopolite, tra, vagabond, au, observatoire. Structure mise en place par les pouvoirs publics quand il ne peut empêcher certaines choses, il se borne alors à observer, exemple, observatoire de la délinquance. OGM. Organisme génétiquement modifié. Expression sidérante. Les OGM sont réputés dangereux pour la santé pour la principale raison qu'on ne connaît pas leurs effets sur la santé. Ne pas confondre avec ONG, organisation non gouvernementale, qui, elle, sont toujours bénéfiques et doivent être respectées car elles concurrencent utilement les nations. Ordre. Mot tabou sauf s'il se prétend mondial, tra, chaos, outing, manifestation publique de l'inclination homosexuelle ou de l'affiliation à la franc-maçonnerie d'un personnage politique et qui ne lui procure que des avantages médiatiques, tra, confession hypocrite, ouverture. Mot trompeur qui qualifie le ralliement au parti au pouvoir de personnes issues des partis politiques de gauche ou de la société civile. L'ouverture ne se fait jamais à droite et on réclame en général plus d'ouverture. Tra, tromperie, virgule P, paix. Mot trompeur, ce qu'est censé apporter l'Union européenne aux Européens voire aux autres peuples lorsqu'elle prétend s'interposer pour prévenir les conflits. Exemple, force de paix, tra, soumission. Parité. Mot sidérant, se dit quand on veut au moins la moitié de personnes de sexe féminin dans un groupe, tra, féminisation, voire femme, partage. Mot trompeur, se dit de la bienveillance des institutions publiques à l'égard des immigrés, tra, préférence étrangère, partagée. Terme destiné à faire croire à la bienveillance d'une institution à l'égard de ceux qui ne bénéficient pas des services qu'elle rend. Exemple, le progrès ne vaut que s'il est partagé. Slogan de la SNCF, tra, réservé, partenaire. Mot valorisant utilisé à la place d'associés ou de fournisseurs, qui font trop mercantile. Patrie. Mot tabou car considéré comme trop connoté à droite depuis 1940. Note. Patrie renvoie à identité et à nation, deux concepts hautement suspects pour l'élite dirigeante. Dans les médias, le seul patriotisme autorisé est celui des États-Unis et d'une façon générale des peuples qui ne sont pas européens. Patrimoine. L'establishment veut changer la France, conférence Sarkozy le 8 janvier 2008, mais prétend sauvegarder son patrimoine, tra, apparence, pauvre. Mot tabou, personne non solvable donc inintéressante pour le système, sauf si elle permet de faire appel à la générosité médiatisée. Note, on préfère le vocable plus sociologisant de pauvreté, mot rarement employé, on préfère le vocable plus sociologisant de pauvreté, tra, pauvre. Pédagogie. Mot trompeur, l'élite dominante considère qu'il faut en faire quand elle rencontre une opposition ou une résistance qu'elle ne soupçonnait pas, tra, propagande. Pédophile. Mot sidérant, personnage qui sert de prétexte périodiquement à renforcer le contrôle policier de l'usage d'Internet. Exemple, un réseau pédophile démantelé. Note. Au cinéma, les prêtres catholiques sont souvent pédophiles. People, prononcé people. Qualificatif un peu méprisant appliqué à la presse qui met en scène la vie privée de la nouvelle classe dirigeante, ce qui est censé intéresser le peuple. Perpétuite. Mot trompeur, condamnation pénale permettant d'être libéré pour bonne conduite au bout d'un peu plus de temps que les autres. Peuple. Mot tabou y compris à gauche. En général ne s'écrit plus qu'au pluriel pour désigner ceux qui ne sont pas européens. Les peuples européens sont en effet réputés constituer un obstacle aux réformes, à l'Union européenne et mal votés. Peur. Mot sidérant, quand elles s'écrivent au pluriel, elles sont condamnables car elles expriment la frilosité des Français de souche devant la mondialisation. Pour l'establishment, la seule peur légitime et obligatoire est celle du réchauffement climatique. Tra. Dénonciation. Phobie. Mot sidérant, voire exclusion. Planète. Terme marqueur de tout discours cosmopolite, voire mondial. Pluriel. Mot trompeur. Nouvelle qualité intrinsèque des choses pour l'élite dirigeante. Exemple. La France plurielle. La majorité plurielle de points terme voulant signifier que le manque d'homogénéité serait une qualité. Tra. Carnavalesque. Populaire. CF quartier populaire. Terme trompeur qui désigne aujourd'hui les zones où la population est majoritairement d'origine immigrée, tra, immigrée, voire banlieue. Populisme. Mot sidérant destiné à disqualifier la prise en compte des aspirations populaires lorsqu'elles vont à l'encontre de l'idéologie dominante, Tra, démocratie, polmique, mot sidérant exclusivement employé lorsqu'un personnage politique fait une déclaration ou prend une initiative susceptible d'aller à l'encontre de l'idéologie dominante. On dit alors qu'il suscite la polémique ou une levée de bouclier, lorsque cette personne appartient à la droite de conviction on dit tollé, de même controverse, réaction. Poutine, second grand Satan derrière Ben Laden, présenté comme une nouvelle incarnation de Staline car il prétend résister au nouvel ordre mondial. Note, le Staline d'après 1948 seulement. En général, on ne dit pas le président Poutine. Pragmatisme, mot trompeur, qualité valorisée par le système car censé caractériser l'esprit anglo-saxon, tend à valoriser le comportement de l'élite dirigeante quand elle ne respecte pas les règles qu'elle impose au reste de la société. Tra, hypocrisie, précaution, principe 2, doit s'appliquer en tout sous le contrôle vigilant de la justice, sauf en matière de peuplement. Tra, pusillanimité, préférence sexuelle. Terme trompeur ayant pour finalité de banaliser l'homosexualité, de même orientation sexuelle, tra, homosexualité. Premier, terme subliminal destiné à remplacer et à valoriser celui de primitif, exemple, musée des arts premier, tra, primitif. Problème, terme passe-partout qui sert à donner la posture de l'expert à celui qui l'utilise. Propre, se dit d'un dispositif censé limiter les rejets d'émissions toxiques dans l'atmosphère, exemple, voiture propre, tra, argument publicitaire. Voir aussi douce proximite, confère juge de proximité, police de proximité. Elle est réputée curieusement tout résoudre pour ceux qui font profession de foi mondialiste. Q, quartier, doit être sensible sinon n'intéresse pas, voire banlieue, quotidien, confère le quotidien des Français, tra, les conditions de vie, R, race, mot tabou, les races n'existent pas et prétendre le contraire expose à des poursuites judiciaires, on peut à la rigueur employer le mot ethnie, interethnique ou communauté mais avec prudence et si possible toujours au pluriel, exemple, les violences interethniques au Kenya, tra autorisé, ethnie, note, pour ne pas utiliser le mot race les médias ont recours à des formulations alambiquées, exemple, les violences politico-ethniques au Kenya, les échos du 26 février 2008, raciste, mot sidérant ayant changé de sens, au siècle précédent, personne affirmant en général la supériorité d'une race, la sienne, par rapport aux autres, aujourd'hui, personne affirmant que les races humaines existent, tra, observateur, racisme, voire xénophobie, réforme, mot trompeur, principale activité de la classe politique consistant à essayer de modifier les sociétés européennes dans le sens conforme à l'idéologie dominante et non pas conformément aux attentes des citoyens, tra, bouleversement, voire aussi rupture et changement, réfugié. Mot trompeur, étranger réclamant et en général obtenant le droit de s'installer en France au motif de l'instabilité politique de son pays d'origine, tra, immigrant fin connaisseur de notre droit, régularisation, acte par lequel la personne publique donne des droits à ceux dont elle n'a pu empêcher l'entrée sur le territoire ou l'activité illégale, tra, encouragement, religion, mot employé de préférence au pluriel et sans déterminant particulier pour bien marquer que l'Europe ne doit pas être un club chrétien, j'y appelle. Voir aussi l'expression le retour du religieux qui remplit la même fonction. Ressources humaines. Le mot ressource est révélateur de l'estime portée à la personne humaine par le système marchand, tra, personnel. Respect. Mot trompeur repris du langage des banlieues, les jeunes voulant qu'on leur témoigne du respect, tra, soumission. Respect de l'autre. Nouvel impératif moral de l'establishment signifiant qu'il convient prioritairement de ne se préoccuper ni de ses proches ni de ses concitoyens, tra, xénophilie, soumission, repentance, mot sidérant, déformation du repentir car elle consiste à faire repentance pour des fautes que l'on n'a pas commises, voire mémoire, tra, rééducation, reprobation, reprobation unanime, mot sidérant destiné à suggérer que celui qui tient des propos ou qui agit à contre-sens de l'idéologie dominante suscite la réprobation de la majorité du peuple français, alors qu'il ne suscite que celle de l'élite dirigeante. voire aussi polémique et tolérésponsable. Mot trompeur destiné à valoriser les comportements conformes aux attentes de l'establishment. Conféré co-responsable, point virgule, voire citoyen. Riche. Mot tabou soif dans la presse people. Risque. Confère risque majeur. L'élite dirigeante aime à dire qu'elle se préoccupe de les prévenir, voire précaution, et donc elle sait gouverner et prévoir. Rome, Tra, Romanichelle. Rupture. Mot trompeur car utilisé par toutes les familles politiques, confère rupture avec le capitalisme, rupture avec le socialisme, point virgule. Désigne aujourd'hui l'action visant à détruire les défenses immunitaires de la société contre la domination du marché et du cosmopolitisme. Russie. Mot sidérant, sorte d'enfer mafieux toujours opposé au paradis libéral de la société multiraciale et mondialisée. Dans les films, les Russes, si possible d'extrême droite, incarnent de plus en plus souvent les méchants, sans abri, sans domicile fixe, personne n'ayant plus leur place dans le système, sinon périodiquement comme faire valoir de la classe médiatique, n'intéresse que s'ils ne sont pas d'origine européenne, tra, miséreux. Sans papier. Néologisme trompeur désignant un étranger ayant franchi régulièrement les frontières de l'Union européenne et obtenant de ce fait même le droit aux prestations sociales et à un titre de séjour par le pays d'accueil à l'issue de quelques manifestations médiatisées et de durée variable, tra, parasite. Note, on ne dit pas encore sans argent pour désigner un voleur. Securite. Mot trompeur. Prétexte à une réduction permanente des libertés des citoyens, tra, surveillance. Note, pour votre sécurité est aussi devenue l'explication passe-partout à tous les dysfonctionnements liés à des travaux. Seniors, personnes âgées qui ne veulent pas le reconnaître, tra, âgées, sensibles. Mot trompeur, se dit d'une zone d'habitation comprenant une majorité de résidents issus de l'immigration, voire banlieue, tra, étrangers. Sensibilité. Mot trompeur s'écrivant en général au pluriel. Exemple, les différentes sensibilités associatives et politiques. Point virgule, l'establishment veut en tenir le plus grand compte sauf si elles sont discordantes par rapport à l'idéologie dominante. Tra. Les opinions et tendances de gauche. Sida. Maladie suscitant une mobilisation permanente des pouvoirs publics et des médias car en Europe elle touche prioritairement les Africains et les homosexuels. Cycle. Club influent au sein de l'établishment dont les médias ne parlent jamais. Le siècle. Social. Mot trompeur, qualifiant des comportements qui ont souvent pour effet de créer des difficultés d'existence pour certaines catégories de la population, ex-plan social égal à plan de licenciement société civile. Mot trompeur, qualifie les représentants autoproclamés de groupes qui prétendent parler au nom du peuple français mais sans l'onction de son suffrage, tra, groupe de pression, solde, grande fête populaire dédiée à la consommation qui succède habituellement au nouvel an et qui conduit des gens à acheter avec enthousiasme des produits souvent de mauvaise qualité mais réputés moins chers, tra, arnaque, solidarité, solidaire, mot trompeur, prétexte à agitation médiatique et en général à de nouveaux prélèvements, grâce à la mise en scène de victimes emblématiques, sombres, mot sidérant, confère les heures sombres de notre histoire, point virgule, se dit principalement de la période historique qui s'étend, selon les pays, de 1933 à 1945 et en France de 1940 à 1945, par opposition aux heures lumineuses que nous vivons aujourd'hui. Par extension, désigne toute période de l'histoire européenne que l'élite au pouvoir décide de condamner. Exemple, l'aventure coloniale a été en son principe une page sombre de notre histoire. Bernard-Henri Lévy dans le point du 8 décembre 2005. Souveraineté. Mot tabou est de plus en plus incorrect pour l'élite dirigeante qui considère que seuls les marchés exercent une souveraineté légitime. Exemple, les fonds souverains. Voire indépendance. Sport. Activité encouragée par l'élite dirigeante car elle permet de tenter de canaliser l'énergie de la jeunesse, parce qu'elle est devenue un commerce et enfin parce qu'elle est présentée comme un modèle d'intégration. Seule activité où la passion nationale est licite, tra, spectacle, stéréotype. L'élite dirigeante aime dénoncer les stéréotypes, par exemple sexistes, que véhiculerait notre culture, mais c'est pour imposer finalement ses propres stéréotypes, par exemple dans le cinéma, valorisation de la femme dominante et libérée, valorisation de l'homme blanc homosexuel, dévalorisation du mariage, valorisation du métissage, de l'homme de couleur tolérant et victime du méchant blanc raciste et borné, dévalorisation du prêtre pédophile, opposition entre le héros viril américain et le méchant russe ou le méchant chinois, le gentil musulman et le méchant terroriste, stigmatisé, mot sidérant, comportement, sanctionné par les tribunaux, attribué à un Français de souche quand il désigne une personne appartenant à une autre communauté ayant commis des délits, désigné, voir aussi bouc émissaire, subsidiarite, mot subliminal utilisé au sein de l'Union Européenne pour faire comprendre que les États n'exercent plus que des compétences résiduelles, abandon, super, adjectif imprécis à la mode destiné à valoriser artificiellement certaines personnes ou certaines choses, son contraire est nul. Système, mot tabou car il désigne justement la nouvelle répartition des pouvoirs intervenus au sein des sociétés occidentales depuis la chute de l'Union soviétique, oligarchie, tchétchène. Mot trompeur, présenté par les médias avant tout comme des séparatistes sans préciser en général qu'ils sont musulmans et se réclament souvent d'Al-Qaïda, terroriste. Technologie, elles doivent être nouvelles pour intéresser. Télévision, télé, système de conditionnement de la population est destiné à vendre de la publicité et à réduire le temps libre des individus. Chaîne, tentation, mot sidérant souvent associé à protectionniste et d'une façon générale à des comportements ou des paroles allant à l'encontre de l'idéologie dominante. La référence subliminale au concept chrétien de tentation est destinée à suggérer le caractère diabolique et pervers de la démarche. Solution. Terrorisme. Il faut le condamner fermement, désigne les violences et les attentats commis par les islamistes contre les États-Unis, les pays occidentaux et leurs alliés. En revanche, lorsqu'elles sont commises en Russie, elles sont compréhensibles et ce sont les forces de l'ordre qu'il faut condamner. Testing. Mot trompeur. Procédé par lequel les associations dites antiracistes s'efforcent de démontrer que des discriminations ont lieu et sont le fait des Français de souche, le testing est désormais reconnu au rang de preuve par la HALD. Provocation. Note. Aucun testing n'est organisé dans les banlieues dites sensibles. Tolérance. Mot trompeur. Vertu affichée par le système, sauf à l'égard de ceux qui contestent sa domination, et qui vise à encourager les comportements destructeurs des valeurs de la société traditionnelle, laxisme, encouragement, voire polémique, transatlantique, mot trompeur, se dit des relations inégales entre l'Europe et les États-Unis, lien transatlantique, suggestion, transparence, qualité revendiquée par un nombre croissant d'organisations et censée être une composante de la démocratie, une activité transparente est en réalité une activité qui fournit au marché toute l'information, notamment financière, qu'il demande pour faire des bénéfices à coup sûr. Travailleurs. Mot employé périodiquement par Madame Laguiller lors des élections présidentielles mais qui a changé de sens, au XXe siècle désignait une condition réputée servile. Aujourd'hui désigne plutôt une situation enviée surtout si le travailleur bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. Travailleur immigré, expression trompeuse car l'essentiel de l'immigration est familiale et non liée au travail. Trouble psychologique, expression employée lorsqu'une personne issue de l'immigration ou d'une confession autre que catholique commet des délits. Elle est alors présentée comme relevant de troubles psychologiques, ce qui permet d'inférer que son comportement est anormal et ne correspond pas à la norme du groupe correspondant. Voir aussi fragile psychologiquement et déséquilibré tsunami. Ras de marée mais en plus savant, constitue la preuve que le climat se réchauffait pour la classe médiatique une excellente information. Turquie, pays laïque, voire laïcité, moderne, européen, membre de l'OTAN et que les États-Unis souhaiteraient faire entrer dans l'Union européenne, prétendre le contraire vous exclut de l'élite dirigeante, U, ultranationaliste. Terme sidérant pour désigner les mouvements populistes d'Europe orientale et de Russie, tra, patriote. Union européenne. Expression trompeuse, espace sans frontières déterminé uniquement par l'adhésion de ses membres aux valeurs du marché, de l'atlantisme et des droits de l'homme est destiné à s'étendre toujours plus, tra, zone. V, valeur. Mot trompeur. Idéologie dominante qui cherche à faire croire qu'il serait illicite de la contester, tra, idéologie, vélo, moyen de transport urbain extrêmement moderne, en général préconisé au nom du développement durable par ceux qui disposent par ailleurs de voitures avec chauffeur ou qui ne travaillent pas victimes, personne éminente qui sert de prétexte au renforcement de l'État-providence et aux réglementations, à la condition qu'elle soit organisée en groupe et médiatisée. Ville, politique de la ville. Concentration de prestations sociales et de financement et de transferts publics au bénéfice de personnes d'origine immigrée et désignées défavorisées par antiphrase. Voile. Symbole d'émancipation de la femme dans les cités. Tra, je t'impose ma religion. Violence. Néologisme trompeur. S'écrit en général au pluriel et est souvent associé à un qualificatif. Exemple, violence urbaine, violence conjugale. Sert à masquer l'identité des responsables de ces agissements en présentant les faits incriminés comme des sortes de fatalités sociologiques. Violence routière. Terme inventé pour diluer les statistiques de l'insécurité en mélangeant contravention, crime et délit. Voiture. Il est traditionnel en France de brûler les voitures le soir du réveillon selon les médias. Volonté. Vouloir. Mot trompeur. L'abolition occupe une place importante dans le discours de Henri Sarkozy. Exemple. Je veux ceci ou cela pour la France, mais a la même signification que la promesse électorale. Elle n'engage que son auditeur. Tra, intention. Virgule WXYZ, Walkman. Système inventé pour que les individus ne puissent pas échapper à la musique ni aux informations. Tra, baladeur. Xénophobie, voire racisme. Mot sidérant, ne s'emploie qu'à l'encontre des Français d'origine européenne et de religion chrétienne qui entendent protéger leur identité ou leur préférence. Tra, identité. Les agissements comparables des autres groupes sont qualifiés au pire de communautarisme. Joé, Arche de. Association dont la vocation est d'importer en France des enfants africains, s'est démêlée avec la justice tchadienne à mobiliser l'attention du président de la République et des médias. À bientôt. Grosse bise numérique.